Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusque 10h30, c'est Scream pour l'émission Backstage Live. Aujourd'hui, on va vous conter l'historique d'un album live. Et aujourd'hui, j'ai choisi The Alan Parsons Project, extrait de leur album Live in Colombia, symphonique, enregistré en 2013 à Medellín. Juste avant de commencer ce live magnifique, on va juste vous faire un petit récapitulatif de qui est Alan Parsons Project. Qui est Alan Parsons? Parce que Project, c'est derrière avec plein de musicos. Alan Parsons est un musicien ingénieur du son et producteur britannique né le 20 décembre 1948 à Londres. Alors derrière la console, pourquoi? Parce qu'il a d'abord commencé derrière la console chez EMI en tant qu'ingénieur du son et va rapidement passé à l'enregistrement des artistes au studio Abbey Road. Il travaille en collaboration avec les Beatles à la fin des années 1960 sur les albums Abbey Road et Let It Be, ainsi que lors de leur concert sur le toit de l'immeuble Apple en janvier 1969. Sa notoriété étant désormais assurée dans le milieu musical, Parsons travaille par la suite avec Al Stewart, George Harrison ou encore Paul McCartney, Band on the Run et surtout Pink Floyd, notamment sur le The Dark Side of the Moon en 1973. Alan Parsons est né le 20 décembre 1948. Voilà, donc c'est un peu pour vous donner et vous mettre les pieds dans le plat de qui est Alan Parsons. Après, on va commencer avec ce live. Donc, je vous présenterai aussi les artistes qui ont collaboré à ce live et bien entendu des extraits. Et on vous parlera aussi de Alan Parsons Project parce que il y a énormément d'albums sur ce nom, sur Alan Parsons et aussi Alan Parsons Project avec franchement des tubes que vous connaissez bien ou peut-être d'autres que vous connaissez moins bien, mais que vous allez dire ah oui ben j'ai déjà entendu ça ou ça. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vous rappelle, c'est le live aujourd'hui, live enregistré en Colombie à Medellín. On va d'abord s'écouter I Robot, extrait de ce fameux live, et aussi le titre éponyme d'un album de Alan Parsons Project, lui I Robot, qui était sorti en 1977. Voilà donc premier extrait de ce live en Colombie de Alan Parsons Project, sorti donc à Medellín, enregistré à Medellín en 2013. Alors qui figure sur dans la bande de Alan Parsons tout simplement? Eh ben Alan Parsons qui lui se retrouve à la guitare, au clavier et au chant. P.G. Olson au lead vocal. Alistair Green, guitare et vocal. Guy Erez, basse, guitare et vocal aussi. Donnie Thompson, batterie et vocal. Tom Brook, au clavier et au vocal. Et Todd Cooper, saxophone, guitare, percussion et vocal. Bien entendu, il y a aussi l'orchestre qu'il ne faut pas oublier, donc c'est l'Orchestre Philharmonique de Medellín qui est conduit sous la direction de Alejandro Pasada, avec en directeur exécutif Alfonso Arias Bernal. Et si vous voulez aussi d'autres renseignements, bien l'administration et la commission directive de cet orchestre de Medellín, c'est Maria Patricia Arginta Ruiz. Voilà, je crois que j'en aurais dit déjà pas mal sur cet orchestre. Alors, on plonge aussi en même temps dans l'historique d'Alan Parsons. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe et une personne qui me tient vraiment à cœur. Et des fois, on connaît que les gros tubes qu'on a pu voir, entendre à la télé, mais on oublie pas mal de travail qu'il a fait derrière lui. En 1976, par exemple, Parsons fonde son propre groupe avec Eric Wolfson. The Alan Parsons Project, son premier album The Tale of Mystery on and Imagination, qui pour moi est un album remarquable, hommage à l'écrivain de Edgar Allan Poe. Ce disque le fait connaître aux États-Unis. Son deuxième album est lui ainsi inspiré par la littérature, puisqu'il s'agit de iRobot, donc l'extrait qu'on vient de s'écouter, qui est aussi le titre éponyme de cet album, tiré du livre du même nom d'Isaac Asimov. Par la suite, les succès ne s'arrêtent pas, il sort Pyramide en 1978, succès qui va lui permettre d'enregistrer Eve à Nice. Il va ensuite enregistrer The Turn of Fredley Card à Paris. C'est en 1982 que sortira Eyes in the Sky, son plus gros succès, dont la chanson titre numéro 3 aux États-Unis passe encore sur les ondes à l'heure actuelle. D'ailleurs, on la passera tout à l'heure, ma version live. Hein. Puis viendront Ammonia Avenue, dont était tiré un autre de ses plus grands succès. C'est celui qu'on va s'écouter juste à l'instant. Le morceau Don't Raise Me, qui était sorti en 1984, voilà, en version live, donc le titre, donc extrait de l'album Ammonia Avenue, mais là aujourd'hui on va le tirer tout simplement de Live in Colombia, enregistré à Medellín. Don't Hurt Me, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes bien entendu sur Backstage. Backstage, les coulisses du son. You believe in the power of my Don't Stress Me, donc bien entendu c'est Alan Parsons Project, extrait de l'album Live in Colombia, enregistré à Medellin en 2013. Donc je vous rappelle cet album, c'est un double album distribué par Ear Music, sous le label de Ear Music, et distribué par Verri. Alors, bon, pour en dire un peu plus sur cet album live. Alors, le tour manager, c'est Lisa Parsons. L'assistant tour manager, c'est Tabitha Parsons. À mon avis, ils font beaucoup en famille. Hein. L'exécutif production, c'est John Reina. Le général manager, donc, c'est Ear Music, c'est Max Vacuro. Et le Evan Soon, donc, c'est pour le son, c'est le groupe Hangar. Et bien entendu, donc, le production vidéo, parce qu'à mon avis, ça a sûrement été filmé, c'est le mobile recording de Canal ou une, voilà. Alors, on continue un peu aussi dans l'historique d'Alan Parsons. Pourquoi ? Parce que ce sera dans le deuxième titre que je vous passerai tout à l'heure. On en parlera un petit peu. Donc J'étais arrivé à Ice in the Sky, qui a été un des gros tubes, et aussi après Don't Trust Me, qu'on a écouté juste à l'instant, en 1984. Vulture Culture, lui, c'est un album qui sortira en 1985, et puis ce sera suivi de Stereo Tommy en 86, et le fameux album de Gaudy, sorti en 1987, où il collabore aussi très activement sur un autre album en même temps, qui s'appelle Freudinéa, qui lui sortira en 1990, réalisé par son ex-complice Eric Wolfson. Alan Parsons travaille également sur la bande originale du film Lady Hang, produit par son chef d'orchestre attitré Andrew Powell. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure donc du fameux album, Tale of Mystery and Imagination. Il parle d'Edgar Allan Poe. Hein. Moi, j'affectionne cet album. Pourquoi ? Parce que c'est un album, on peut parler comme ça, classique, parce que c'est beaucoup de musique classique, et mixé aussi avec la musique actuelle de 76, pardon. Donc c'était de la pop électrique, hein, on va dire ça, mais pas très rythmé, où il mariait plein de choses avec aussi des bruits, des sons tels que l'orage et des choses comme ça. Et là, on va s'écouter The Raven, un extrait donc de The Tale of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe, mais aussi qui figure sur l'album live à Colombie de Alan Parsons. On se retrouve tout de suite après pour le fameux titre que je vous parlais du fameux album de Gaudy. Backstage, les coulisses du son. For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words, with even more distinctness than that which I conceived. Call the Raven, nevermore. Morceau court mais efficace, The Raven de Alan Parsons Project live in Colombia. Donc on continue sur cet album. Il faut savoir aussi que pour faire un live, il y a d'autres personnes tout autour. Hein. Il n'y a pas que les artistes sur scène, même si quand on y va que pour l'artiste, il y a d'autres personnes. Donc, par exemple, au poste de l'audio production et au mix, il y a Alan Parsons et PJ Olson. Donc, à mon avis, ils ont calibré toutes les tables et tout ça juste avant de monter sur scène. À la production manager, c'est Ross Pallon. À la console frontale, donc c'est l'ingénieur du son Martin Frey qui s'y colle. Au light, donc aux lumières, c'est Martin Thomas. Au monitor mixing, donc ça c'est généralement les consoles qu'on met sur la droite qui eux rendent ou la droite ou la gauche qui rendent le retour possible aux artistes. C'est Philippe Dunn et la stage manager, parce que il y en a une, il faut placer les artistes, veiller à leur sécurité c'est Dan Tracy. Donc je continue. En vous parlant de Alan Parsons, hein. Il va ensuite collaborer à d'autres albums et abandonne le nom de Alan Parsons Project pour celui de Alan Parsons tout simplement. À la suite du départ d'Eric Folson, donc c'est là qu'il a décidé de dire ben non, j'en s'appelle plus Alan Parsons Project, il n'y a plus de projet, vu que Eric Folson, mon grand complice, est parti, vaquer à d'autres occupations. En 1994, il sort Try Anything Once, puis en 1996, On Here, qui sortira en deux versions, en CD DTS 5.1 et en CD, plus CD-ROM bonus. Puis The Time Machine en 1999, auquel participe entre autres Tony Hendley, la voix du fameux groupe Spandau Ballet, sur le morceau Out of the Blues. Il y a aussi Mère Brennan, chanteuse et harpiste de Clannad, sur le morceau The Call of the Wild, et Beverly Craven sur le morceau The Very Last Time. En 2004, Parsons rassemble plusieurs de ses collaborateurs habituels pour créer l'album Avalid's Path, de facture technopop. On y retrouve des reprises de Mania Magta, originelle sur Ice in the Sky, ou de Dream Within and the Dream et The Raven, le titre qu'on vient de s'écouter, The Tale of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe. Sur cet album, dernier en date, il accueille également de nombreux invités, dont le fameux David Gilmour, guitariste de Pink Floyd, sur le morceau Written on the Tunguska, et John Cleese des Monty Python sur le morceau Shumalaungma. Donc nous, on va s'écouter la Sagrada Familia. Pourquoi la Sagrada Familia ? C'est extrait d'un album qui est sorti en 1987, où il dédie cet album au fameux à Gaudi. Et ce morceau est vraiment superbe. Quand on l'écoute, on reconnaît bien la touche de Monsieur Parsons, d'Alan Parsons, et bien entendu de Eric Wolfson. Allez, on va s'écouter la Sagrada Familia, version live, bien entendu, extrait d'album Live in Colombia, enregistré en 2013 à Medellín, en Colombie. Backstage, les coulisses du son. Where the road may lead us, only a fool would say. Who knows if we'll meet along the way? Follow the brightest star as far as the brave may dare. What will we find when we get there? For the lion and the lamb. where the world may turn us, only a fool would say. Who knows what the fates may have in store? Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that may be? How should we know? Voilà, extrait de l'album The Alan Parsons Project Live in Colombia, enregistré donc à Medellin en 2013. Superbe chanson, hein. La Sagrada Familia. Voilà, je laisse un petit peu comme ça vous voyez bien que c'est du live, que c'est pas du studio. Voilà, donc là il présente le suivant, mais c'est pas le suivant qu'on va s'écouter. Tout de suite après, on va d'abord un petit peu parler et puis après on s'écoutera un autre titre. Alors, Cet album est composé de deux CD. Le premier CD contient 13 titres, je vous dirai tout à l'heure, vers la fin de l'émission, les titres qui sont dessus. Et sur le deuxième CD, il y a 8 titres, donc des, on va dire des grands standards, des grands classiques d'Alan Parsons. S'il devrait vraiment sortir un méga live complet, je peux dire qu'il ferait, à mon avis, 4 à 5 CD minimum. Alors, certains membres de Project ont enregistré un album sous le nom de Kit, produit par Alan Parsons lui-même. Et les musiciens présents sur le disque sont Peter Barden au clavier, Colin Brunstam au chant, Ian Brunson aux guitares, David Patton à la basse et Stuart Elliott à la batterie. L'album contient aussi une entrevue de 16 minutes avec Alan Parsons et Ian Brunson. Aujourd'hui, Alan Parsons est un des plus grands ingénieurs du son, travaille avec les dernières technologies, dont le format multipiste 5.1. Il vit à Santa Barbara, en Californie, avec sa famille. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est extrait d'un album qui est sorti en 1980, The Turn of a Fiddly Cart. La pochette, elle est vraiment magnifique de cet album, où on voit un vitrail représentant un roi d'un jeu de cartes. Je le trouve vraiment bien pour l'époque, vraiment bien travaillé. Et on va s'écouter Nothing Left to Lose, bien entendu toujours enregistré en Colombie, à Medellin. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Backstage, les coulisses du son. Nothing's good, news is bad. The heat goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should turn away, 'cause there's nothing more to say. You gave the best you had to give. You only have one life to live. You fought so hard, you were a slave. After all you gave, there was nothing left to say. You've got nothing left to lose. You've got nothing left to lose. You've got nothing left to lose. Who wanna be standing? Nothing to Lose, Alan Parsons Project Live in Colombia. Et c'est dans l'album symphonique, hein, je tiens bien à le préciser, symphonique, où ils ont enregistré ça avec l'orchestre symphonique de Medellin. Alors, le CD1, il y a en Aerobot, Damned Infinite Doudou, Don't Stress Me, Breakdown, The Raven, Time, All We Want to Be Like to You, La Sagrada Familia, The Turn on Friday Cart, Party 1, Snake Eyes, The Ace of Swords, Nothing Left to Lose, juste le titre qu'on vient de s'écouter juste un instant, The Turn on Frederick Cart, Partie 2, ça c'est pour le CD1. Je vous dirai après ce que contient le CD2. Alors aujourd'hui, donc, le groupe Alan Parsons Project a connu peu de succès dans son pays d'origine qui est le Royaume-Uni, ses meilleures ventes ayant eu lieu en Europe continentale, notamment en France et en Allemagne, ainsi qu'en Amérique du Nord. En 2013, Alan a agi en tant que producteur associé et ingénieur du son sur le troisième album solo de Steven Wilson de Porcupine Tree, donc qui fait du prog, hein, intitulé The Raven That's Refused the Sign and Other Story. Outre Wilson au chant, clavier et à la guitare, on retrouve aussi Guthrie Govan à la guitare, Marco Minneman à la batterie, Nick Beggs à la basse et stick à la basse et au stick et au cœur, ainsi que Jaco Jacksy au chant sur deux chansons. Voilà, c'était un peu l'historique que je voulais vous faire de Alan Parsons. Après, je vous donnerai aussi, si vous le désirez, la discographie d'Alan Parsons, qui est quand même assez conséquente. Et après, il y a aussi, en tant que producteur, il y en a quand même des pas l'entier. On va d'abord continuer cette programmation musicale. C'est aussi la première des choses, hein, c'est de vous faire découvrir un album live. Donc, on va s'écouter What Goes Out, extrait de l'album donc en Colombie, enregistré en 2013, mais aussi sur l'album de 1978, Pyramide, qui pour moi est l'album incontournable d'Alan Parsons Project à posséder, du même que Tale of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe. What Goes Out, c'est bien entendu Alan Parsons Project. En couleur, en concert, sur RQC. What goes up must come. Voilà, donc c'était What Goes Out de Alan Parsons Project. Vous allez me dire, oui, bon, il arrête le nom d'Alan Parsons Project et là, l'album est sorti en 2013 après. Et on parle encore d'Alan Parsons Project, c'est tout simplement pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de tubes qui ont été enregistrés à l'époque avec Alan, sous le nom de Alan Parsons Project, tout simplement. Alors. Sur le CD2, ben, le fameux What Goes Out qu'on vient de s'écouter, Lucifer Rama, c'est un titre qu'on écoutera aussi, Silent and It, qui a Prime Time, Sirius, Ice in the Sky, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite après, Old and Wise et Game People Play. La discographie d'Alan Parsons, elle est quand même énorme. Moi, je vais vous donner les gros standards. Je ne vais pas vous parler d'Alan en tant que producteur, mais plutôt sur le nom des deux groupes, de Alan Parsons Project et de Alan Parsons. On va d'abord commencer sur The Alan Parsons Project en 1976, Tale of Mystery and Imagination d'Edgar Allan Poe. En 1977, iRobot. En 1978, Pyramide. En 1979, Eve. En 1980, The Turn on Fredley Cart. En 1982, Ice in the Sky. En 1984, Ammonia Avenue. En 1985, Vulture Culture. En 1985 aussi, Stereotomy. En 1987, Gaudi. Et on peut rajouter tout simplement le fameux... titre, parce qu'il n'est pas considéré comme un album d'Alan Parsons, mais pourtant il est parce qu'il est en tant que producteur et c'est du Alan Parsons tout simplement. En 1990, le Freudiana, où il parle tout simplement de Freud. Voilà. Alors, on va s'écouter le fameux titre qui a cartonné pour lui, que on en parlait tout à l'heure, qui est Ice in the Sky, extrait de l'album du même titre, éponyme, qui était sorti en 1982. En couleur, en concert, sur RQC. Don't try turning tables instead. gros carton hein, quand même, Ice in the Sky. Hein. C'était The Alan Parsons Project, symphonique live in Colombia, enregistré à Medellin en 2013. Extrait donc Ice in the Sky aussi de l'album du même titre éponyme sorti en 82, Ice in the Sky. Alors, on continue la discographie de Alan Parsons maintenant. En 1993, est sorti l'album Try Anything Once. En 95, On Here. En 99, on a The Time Machine. Où c'est un album. Bon, enfin, je vais pas trop le critiquer, mais c'est un peu spécial. Après, on a 2004, Valid Past. En 2004, toujours Ice to Ice Live in Madrid. En 2013, Live Spam. En 2016, donc le fameux Live in Colombia. Alors, en tant que producteur, faut savoir que je vais vous donner quelques trucs comme ça. Hein. Le fameux Pink Floyd, The Dark Side of the Moon et On Earth Monster, Abbey Road pour les Beatles, pour les Hollies. Il a travaillé pour les Hollies aussi. Il a travaillé pour Earl Stewart et Steven Wilson. Un grand monsieur, cet Alan Parsons, tout simplement. Alors, toujours extrait de cet album, je vous rappelle, c'est un double album sorti chez Ear Music, distribué par V-Record, enregistré à Medellin en 2013 avec donc je rappelle le groupe Alan Parsons au chant, à la guitare et au clavier, PJ Olson aux vocaux, Alster Green guitare et vocale, Guy Erez basse guitare et vocale, Danny Thompson batterie et vocale, Tom Brooke au vocal et au clavier, aux vocaux, pardon, et Todd Cooper, saxophone, guitare et percussion, et ainsi qu'à la voix. Bien entendu, il ne faut pas oublier aussi que ce live est sorti avec le Philharmonic Orchestra de Medellin, sous la direction de Alejandro Posada et l'exécutif directeur Alfonso Arias Bernal. Voilà, donc c'est un album à vous procurer. On retrouvera la pochette sur la page backstage et sur la page radio, bien entendu. Comme ça, vous aurez aussi un visuel si vous allez dans une bonne crèmerie pour le trouver et vous le procurer. Alors, on va se quitter, nous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un album studio. On verra, je vous en ferai la surprise. On va se quitter avec Luciferama, toujours enregistré donc live à Colombie. Et je vous rappelle qu'il est extrait, lui, de l'album, si mes souvenirs sont bons, parce que là je fais travailler ma mémoire, l'album tout simplement Eve en 1979. Voilà, ciao les amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. I'm scared.